qui aurait cru ça? Que je pourrais ressentir un beau jour cette foutue pression sociale, ces roulements de tambour qui tournent en boucle et la sorte de concurrence qu'elle instaure. Être normal n'est pas mon mot d'ordre, et pourtant autour de moi c'est comme si constamment des vautours me narguaient. Paraît-il qu'à mon âge on doit avoir bâti la structure de sa vie, forger son caractère et gagner en stabilité, devenir plus sage, trouver un emploi fixe, une femme et fonder une famille doivent apparaître en tête sur la liste des priorités. Mes amis se marient, affichent des photographies, entament la vie de famille. Je repense à mon enfance, elle est si proche encore. Ses parfums, ses ambiances dans les petites poches de mon cœur. C'est marrant mais sans rire, je vois notre album souvenir. Mes parents mais sans rire, et moi comme trois pommes tout petit. Tout a tant changé, rien que d'y songer, j'ai la migraine. Mes camarades d'antan s'insèrent dans ce drôle de système. Les uns après les autres, certains même font carrière. Et ça m'impressionne quand ils me disent l'air fier. Ça y est, j'ai réussi, leurs mots résonnent, mes oreilles bourdonnent. Serais-je en train de rater ma vie, moi qui étais sûr d'assumer ma place dans la marge? Et maintenant, va savoir, parfois je me dis que c'est peut-être dommage. Après tout, ai-je vraiment choisi de faire office de bête sauvage? Rentrer dans le moule de la dite réussite sociale. Ça me hante et ça me saoule de ressentir chaque jour que s'impatiente la foule. Et la foule s'impatiente. Et la foule s'impatiente. Et la foule s'impatiente. S'impatiente. Je pensais pas que ça me rattraperait, que le regard des autres un jour me happerait, apeuré par la norme que je me comparerais, appelé par ces chants derrière les barbelés. J'ai toujours voulu suivre mes envies de ces temps-ci apparaît comme une plaisanterie. Mes proches par amour ne sont jamais opposés à mon parcours, mes à-jours. Je les sens remplis d'inquiétude, chose qui ne serait pas si ma situation était sûre, mais je ne cherche pas la sûreté, et même leurs soucis est une forme de jugement que le cœur adoucit. Il est vrai que je veux et me contente de peu, je pensais que c'était un plus, mais il semble que ce jeu ne veut que des compétiteurs. J'ai déclaré forfait, la récompense me fait si peur. On me renvoie cette image d'étourdie, engourdie longtemps, si j'ai souri aujourd'hui assourdi. Je ne sais plus où j'en suis, mon calme s'enfuit, je vieillis agissant jour le jour et sans suite, ayant si peur des engagements posés, 5 semaines par an, de rêver ma vie et d'échanger mon temps contre de l'argent. Je reçois mes déclarations RSA au milieu des faire-part et reste là sans horaire avec mes textards. Je vois les autres et leurs salaires et projets. Nos considérations ne sont plus les mêmes désormais. Tous ces regards en disent long. J'aurais peut-être pas dû laisser mourir mes ambitions. S'impatiente, la foule s'impatiente, et la foule s'impatiente, et la foule s'impatiente, et la foule s'impatiente, et la foule s'impatiente, et la foule s'impatiente, et la foule s'impatiente, et la foule s'impatiente, et la foule s'impatiente, et la foule s'impatiente, et la foule s'impatiente, et la foule s'impatiente, et la foule s'impatiente, et la foule s'impatiente, et la foule s'impatiente.